La cloche des morts par Bénédicte-Henri Revoil. Il est encore d'usage dans plusieurs pays de l'Europe, en Espagne et en Angleterre, voire même en Allemagne et en Autriche, que des gardes parcourent les rues pendant la nuit pour veiller à la sûreté des passants et prévenir en cas d'incendie ceux qui seraient en danger. Il est ordonné à ces gardes, afin de constater qu'ils ne s'endorment pas, de faire entendre par intervalle des cris prouvant qu'ils remplissent leurs tâches. C'est pour cela qu'il crie les heures, les quarts, les demi-heures et les trois quarts, en ajoutant ces mots « il fait beau ou mauvais temps », suivant l'état de la température. En France, cet usage existait comme partout ailleurs. Il y avait, à Abbeville, un homme posté sur la tour de l'église de Saint-Wolfrand, qui sonnait de la trompe toutes les demi-heures, en se tournant successivement vers les quatre coins de la ville. Jadis, dans la ville de Paris, un moine de la confrérie des pénitents, ou à son défaut un bedeau, un sacristain ou quelque autre personne d'église, enveloppé d'une robe blanche sur laquelle étaient appliqués des dessins d'étoffe noire, représentant des ossements et des têtes de mort, parcourait les rues pendant la nuit en agitant une clochette et criant de la voix la plus lamentable qu'il pouvait moduler « Réveillez-vous, gens qui dormaient, priez Dieu pour les trépassés !» Il était difficile que le sommeil le plus profond résistât aux appels de la cloche et aux chants monotones et lugubres du clocheteur, qui, pour se faire plus sûrement encore entendre des dormeurs, frappait quelquefois aux portes des maisons avec le bâton qu'il tenait de la main droite. Éveillés en sursaut par cette funèbre invitation, les bourgeois se mettaient à genoux sur leur lit et murmuraient des prières pour le repos des morts. Cet usage persista à Paris jusqu'au milieu du XVIIe siècle, ainsi que le prouve un poème de Saint-Amand, l'un des premiers membres de l'Académie française, dans lequel on trouve les vers suivants. Le clocheton des trépassés, souvent, de rue en rue, de frayeur en les cœurs glacés, et mille chiens, ayant la triste voix, lui répondent en longs abois, etc., etc. Le poète terminait en se fâchant contre cette coutume dont il demandait la suppression. Elle fut supprimée, en effet, au commencement du XVIIIe siècle, à Paris et en 89, dans toutes les villes de province. Dans la Bohême, cet usage de prier Dieu pour les trépassés est non seulement pratiqué, mais il existe en outre, au cimetière de la ville, à Prague principalement, une maison qui a son but spécial, celui d'empêcher les inhumations prématurées qui pourraient livrer à la terre un corps que la vie n'aurait pas abandonné, autrement dit, qui serait en léthargie. Au milieu du dernier asile destiné à contenir les cercueils des morts, s'élève une chapelle aux côtés de laquelle a été jointe une construction de forme basse, divisée en deux parties. Dans la première, à l'entrée, se trouve une logette avec poêle, table, chaises, bancs, tout ce qu'il faut pour un veilleur, et dans l'autre, des tables en marbre sur lesquelles sont posés 1, 2, 3, 4, 10 cercueils au besoin, tous découverts et au-dessus desquels on a suspendu des cordons, de telle façon que si une personne morte dans la journée ou la veille n'est pas complètement privée de vie, elle peut appeler et demander des secours pour être rendue à ses parents et amis. Ces cordons, tirés même d'une main faible, font tressauter une sonnette dont le bruit réveillerait le veilleur, si endormi qu'il pût être, en admettant qu'il fût infidèle à sa consigne, qui est d'avoir toujours les yeux ouverts. Dans la journée, la femme, les enfants de ce préposé funèbre sont là pour le remplacer au besoin. Les corps ne sont enlevés que quand la putréfaction vient prouver que la vie n'existe plus chez eux, et alors on procède aux inhumations. C'est là, il faut en convenir, un usage des plus louables, car on ne peut nier que dans tous les pays où l'on procède à un enterrement avant d'avoir bien constaté la mort de celui ou de celle que l'on porte en terre, il y a quelquefois erreur, et ce fait ne se produisit qu'une fois sur mille, ce serait déjà trop. L'histoire que nous allons raconter n'est pas un conte. Elle a eu des témoins, il y a 3 ans, dans cette ville de Prague dont nous parlions plus haut. Tout le monde élégant dans la cité qu'arrose la Moldau, renommée par les îles verdoyantes qui la couvrent, connaissait la belle Fräulein Darnheim, dont le père, un richissime banquier, possédait le plus beau palais du quartier de la nouvelle ville. Veuf depuis 10 ans, le baron Darnheim avait consacré à sa fille Martha toute sa tendresse et tous ses soins. À peine sa femme avait-elle fermé les yeux, qu'il avait fait venir de Vienne une de ses parentes, peu fortunée, mais digne de la plus grande confiance, non seulement par sa sagesse et son expérience, mais encore par sa bonté sans pareille, son instruction et la noblesse de ses manières. Madame de Rantzau, tel était son nom, avait pris à cœur la tâche qui lui était dévolue. Elle était devenue la seconde mère de la bien chérie Martha Dauenheim, qui du reste méritait de toute façon d'être aimée. Dès sa plus tendre enfance, la mignonne créature s'était créée des affections dans sa famille et parmi tous les serviteurs du logis. Jolie comme un ange, charmante de caractère, enjouée, pieuse, et cherchant à se rendre utile aux uns et aux autres, on ne lui connaissait aucun défaut. Bref, la fille de M. le baron Dauenheim jouissait de la faveur immense d'être le lion de Prague. Son nom était dans toutes les bouches. Lorsque son père la conduisit pour la première fois dans le monde, ce fut un cri général. La foule des jeunes gens à marier se prit pour elle d'une admiration sans précédent. Les femmes elles-mêmes, qui d'ordinaire sont très jalouses des succès des autres, baissèrent pavillon en cette occasion et cédèrent le pas à Martha Dauenheim. Du reste, la jeune fille avait encore une qualité dont nous n'avons pas parlé, celle d'être exempte de vanité. Elle ne comprit même pas tout ce qui se passait autour d'elle, et sans fierté, sans morgue, elle marchait dans la vie comme l'eût fait une religieuse ayant fait à Dieu l'abnégation de tout ce qui a trait à la terre et aux vanités du monde. Il va sans dire que, gracieuse et riche, Martha Dauenheim fut bientôt demandée en mariage. Les plus beaux noms de la bohème briguaient l'honneur de s'allier à la fille du banquier. Dans le nombre des aspirants, on comptait le fils d'un magnat, prince de Habsbourg, dont l'élégance et la noble figure avaient fait impression sur le cœur de Martha. Lorsque son père, après avoir énuméré tous ceux qui lui demandaient la main de sa fille, prononça le nom du prince Karl de Habsbourg, il vit une rougeur instantanée monter aux joues de la chère enfant. Mais quand il lui ajoutait que le bruit courait, que ce jeune homme passait pour un dissipateur et qu'il menait la vie à grande guide, le visage de Martha devint pâle comme celui d'une morte. Le banquier avait deviné que sa fille bien-aimée s'était éprise de celui qui n'était point digne d'elle. Dès ce moment, son parti fut vite pris. Il résolut de faire voyager Martha afin de l'amener à l'oubli. Prétextant une impérieuse nécessité de se rendre à Londres pour y régler des intérêts d'une haute importance, le baron de Arnheim dit à sa fille qu'il désirait l'avoir près de lui pendant le voyage. En conséquence, Madame de Rantzau fut prévenue d'avoir à tout ordonner pour le départ de Martha et le sien. 3 jours après cette décision, le père, la fille et la dame de compagnie étaient en route pour la France et l'Angleterre. Tout alla bien jusqu'à Londres. La locomotion, le charme du voyage, les impressions de toutes sortes que subissait, malgré elle, la charmante Martha, tout éloigna momentanément de sa pensée le souvenir de Karl de Habsbourg. Mais peu à peu, une sorte de langueur s'empara de cette malheureuse enfant. Elle tomba malade, et malgré toute la science des célèbres médecins de la capitale britannique, quels que fût les soins qu'on lui prodigua, cette pauvre Martha ferma les yeux, certains soirs, et fut déclarée perdue pour son père et pour tous ceux qui l'aimaient. Le lendemain, le docteur du quartier vint constater la mort de Mademoiselle Martha Dauenheim et l'on procéda à ses funérailles. Le père, écrasé par sa douleur, se refusait à croire à cette séparation. Il voulut passer la nuit près de son enfant, et bien fit-il, car vers le matin, au moment où les yeux fixés sur la couche funèbre, il examinait le visage de Martha, il crut percevoir un léger mouvement sur les traits de cette chère créature. Il se leva d'un bond, arracha le sueur qui enveloppait ce corps affaissé par la maladie, et vit les paupières de Martha s'entr'ouvrir l'une après l'autre, puis simultanément. « Elle vit !» s'écria-t-il. « Elle vit !» En effet, Martha Dauenheim était plongée dans une léthargie dont elle sortait grâce à la vitalité de son sang. Son retour à la vie fut un triomphe, une joie universelle. Le pauvre père, dans son ivresse, consentit à tout ce que voulut Martha, et il fut décidé qu'à son retour à Prague, le mariage entre elle et le jeune Karl de Habsbourg serait conclu sans aucun délai. Dès que la chère fille du banquier fut jugée capable de supporter les fatigues du voyage, on reprit la route de la France et de la Bohême, en faisant différentes escales pour ne point trop fatiguer la ressuscitée. C'est ainsi que l'on s'arrêta à Paris, à Berlin, à Vienne. Mais quelles que fussent les merveilles que l'on montrait à la convalescente, il semblait qu'elle n'avait d'autre désir que celui de rentrer à Prague aussi vite que faire se pourrait. Enfin, le 12e jour, le baron, sa fille et Madame de Rantzau rentraient dans le palais de la nouvelle ville. Ce retour fut bien vite connu des amis de la maison de Arnheim, qui vinrent savoir par eux-mêmes de quelle façon miraculeuse Martha avait échappé à la mort. Le premier parmi les visiteurs fut Karl de Habsbourg, qui comprit bien vite l'influence qu'il avait acquise sur la fille du baron. Il renouvela sa demande en mariage, fut accepté, et on le vit alors chaque jour venir présenter ses hommages à sa fiancée. Bref, le mariage fut célébré et le couple partit pour faire un voyage en Italie et en Suisse. Leur absence dura 2 mois. Martha était complètement rétablie et quand elle rentra à Prague, sa santé semblait radieuse. Par malheur, à peine Karl de Habsbourg alla-t-il retrouver ses camarades, qu'il se vit entraîné par eux à de nouvelles folies. Il aimait passionnément le jeu et il s'absenta maintes fois de la maison de sa femme pour se rendre dans les tripots d'où il ne sortait point avant son mariage. Martha eut beau adresser des remontrances à son époux, elle perdit son temps. Peu à peu, sa santé s'altéra. Une maladie de langueur la terrassa, et après avoir dépéri, la malheureuse succomba sans que les docteurs de Prague eussent pu la sauver. Nous ne raconterons point ici les détails des funérailles qui furent faites à la jeune femme. Toute la ville accompagna le convoi qui la menait à la chapelle du cimetière. Nul n'avait songé à la possibilité d'une seconde léthargie, car la famille avait déclaré que cette fois, il ne fallait pas se rattacher à cette espérance. Néanmoins, le cercueil de la pauvre femme fut déposé, suivant l'usage, dans la salle destinée à la veille des morts. Par un hasard assez rare, il y avait 2 cadavres sur les dalles de marbre de ce lieu funèbre. Le mari, cause de cette fin fatale, avait manifesté la plus grande douleur en perdant celle qu'il avait tant aimée. Il voulut rester avec le gardien durant la nuit qui suivit les obsèques. Rien de particulier ne se passa pendant ces 12 heures de veille. Quand vint le jour, Karl d'Habsbourg rentra chez lui, inconsolable. Il songea à se tuer pour rejoindre sa femme. Mais ses amis l'en empêchèrent. Le soir venu, il retourna au cimetière et s'en alla au jour pour retourner encore à la nuit. Au milieu de cette 4e veille, vers 1 heure du matin, Karl, qui ne pouvait fermer les yeux et qui tenait les regards fixés sur la cloche, crut apercevoir un léger mouvement du battant. Quelques secondes après, ce qu'il avait pris pour une illusion devenait une réalité. La cloche retentissait au point de réveiller le gardien de ce lieu funèbre, profondément endormi. « La princesse vit !» s'écria celui-ci en se frottant les yeux. « Courons à son secours !» Il ouvrit précipitamment la porte de communication entre la logette et la salle des morts. Martha de Arnheim, à genoux à son cercueil, regardait fixement autour d'elle, les yeux hagards, cherchant à se rendre compte de la situation dans laquelle elle se trouvait. « Où suis-je ? » fit-elle en voyant son mari et le gardien accourir près d'elle. « Dans mes bras, chérie, sous la protection de ton mari, qui ne te quittera plus désormais. » Aidé par le gardien, Karl de Habsbourg emporta la ressuscitée hors de ce lieu terrible. On la plaça près du feu en la couvrant de chaudes étoffes pour la mieux réchauffer, et avant qu'elle eût pu rien comprendre, la voiture du prince, mandée en toute hâte, emportait le prince et Martha, son trésor, Martha vivante, qui rentrait dans le palais d'où elle était sortie, réputée morte. Le lendemain de cet événement, tout Prague connaissait les détails de la terrible aventure. Le prince Karl de Habsbourg a changé de manière de vivre, et s'il joue encore, c'est dans ses salons. S'il s'absente de Prague, c'est avec sa femme, qu'il a juré de ne plus quitter d'un seul instant. On voit, d'après cette histoire véridique, que la mort a quelquefois du bon, surtout quand elle n'est pas réelle. Ainsi s'achève La cloche des morts par Bénédicte Henri Revoil.